Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport en parlant que de la survie des castors de Dolbeau. Le régisseur sportif à la ville de Dolbeau, Paul Murel, l'a confirmé à danageosport.com que les heures de glace pour les castors ont été réservées cette année. Donc, on peut conclure quand même que le dossier chemine et le dossier avance très, très bien. Par ailleurs, ce qu'on a su hier également par des informations à gauche et à droite, c'est qu'il y aurait 6 à 7 joueurs de Saint-Félicien qui sont de calibre midget 2B qui auraient été libérés par le Marcos Pub. Ils seraient intéressés à jouer pour les castors de Dolbeau et malheureusement pour eux, ben, le hockey mineur de Saint-Félicien refuse de les libérer. Donc évidemment, on va suivre le dossier de près. Apparemment qu'il y a des pressions de fait auprès du hockey mineur pour qu'ils obtiennent leur libération. On devait parler hier au président du hockey mineur, Carl Gagnon. Malheureusement, on n'a pas été en mesure. Ça devrait se faire dans les prochaines heures. Maintenant, on va parler hier dans la section entrevue de danageosport.com, on a parlé avec Alexandre Gagnon qui est de Dolbeau-Mistassini, qui va s'aligner avec le Verrières de l'Université de Sherbrooke pour une quatrième année. Et Alexandre Gagnon est très optimiste en vue de la prochaine saison. C'est rendu moi le plus vieux de la ligue défensive. Je suis capitaine, je m'occupe des jeunes. J'ai eu un entraînement en saison incroyable. Je crois que c'est ma meilleure vie. Je me sens super bien, super en forme, super à l'aise dans le système. Donc, je suis très excité pour la saison qui s'en vient. Okay. Par ailleurs, Alexandre Gagnon nous parle de l'équipe cette année. Une équipe très vite et athlétique, entre autres avec ce que je te parlais tout à l'heure par rapport à l'entraînement physique. Ouais. Offensivement, c'est notre première année avec un nouveau carrière. Okay. Lors des 10 dernières années, on a eu qui s'habituer au poste de carrière, 5 ans avec Jean-Pierre Chouari, puis ensuite 5 ans avec Jérémy Roy qui a fracassé les records du football universitaire. Cette année, ça va être Alex Jacques-Michaud, une recrue qui nous arrive de Valleyfield. Un gamin extrême avec un extrême leadership, ça paraît même pas que c'est une recrue. Je pense qu'il va avoir une très bonne année et il va être capable de diriger l'offensive pour faire la transition avec l'après. Autre dossier qu'on a parlé hier, c'est la Ligue de balle donnée de Roberval qui a complété sa saison la semaine dernière. Une bonne année selon Jonathan Thibault. Oui, très belle année encore cette année. On en était à notre sixième saison officiellement depuis que la balle rapide était tombée à Roberval. Donc la ligue de balle lente, ça faisait maintenant suffisant cette année qu'on s'en expecte. Dans un deuxième temps, Jonathan Thibault nous parle qu'il y a une progression pour la balle donnée ou encore le baseball et tout le sport de cette même famille à Roberval. Certainement. Si on parle de Roberval, au niveau du taux de participation, de l'intérêt et même de la motivation à participer à la Ligue, mais je parle de la Ligue adulte naturellement. Ouais. Sauf qu'on peut aussi faire le parallèle avec les jeunes qui sont de plus en plus intéressés à jouer du baseball. On sait que les baseball mineurs, pardon, sont plus vraiment actifs dans nos régions. De plus en plus, on prend Normandin, Saint-Félicien, Adélien et même cette année à Roberval, c'est vraiment de style loisir, mais on a des jeunes Roberval qui ont pris des groupes de jeunes afin de les initier au baseball. Donc c'est de la relève pour plus tard, mais c'est une belle opportunité pour eux. Et Jonathan Thibault explique que pour le moment, il n'a pas l'intention de créer une ligue avec Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini, une ligue à 3 équipes. Pour l'instant, moi j'ai été approché l'an passé. Okay. Parce que tu es en train de me parler là, de faire des espèces de matchs avec des équipes de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, etc. Pour l'instant, nous, on voulait s'en tenir à notre ligue par rapport au fait que le jour de match qui avait été sélectionné était le jeudi soir. Okay. Nous, on joue le mardi et le jeudi soir. Donc, l'objectif étant de ramasser un petit peu, premièrement, d'offrir un calibre de jeu qui est assez intéressant. Donc, d'essayer de ramasser les meilleurs joueurs de la Ligue de Roberval et Dolbeau, Saint-Félicien et les autres villes feraient la même chose. Okay. Donc, un petit peu sortir là, les meilleurs atouts de chacun de nos villes puis de faire des matchs les jeudis soirs afin de créer là, une compétition entre... entre nos villes au baseball. Donc, c'est pas. C'est pas impossible. C'est nécessairement impossible. Mais pour cette année, du moins, là, j'ai mis ça de côté. Et hier, c'est le repêchage de dissolution de l'équipe des River Kings de Cornwall de la Ligue nord-américaine de hockey qui ont fermé les livres la semaine dernière. Les Marquis de Jonquière ont profité de l'occasion pour rapatrier Jérémy Vigneault-Bélanger et ils ont également obtenu ici le défenseur Danick Malouin ainsi que Mathieu Brodeur qui est âgé de 26 ans. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Alexandre Gagnon du Verreur de l'Université de Sherbrooke qui est natif de Dolbeau-Missassini. Également, Jonathan Thibault vient nous faire le bilan de l'année de la Ligue de Baldonnée de Robertval. Et Benoît Lavoie d'EspaceHockey.com vient nous faire un bilan de sur la planète foot. Le sport local et régional à danradiosport.com. Au son équipe.